Santé à toi, je prie pour tous, passe comme tu le souhaites. On chill, et on refait le monde comme tu le voyais. On bougeait ensemble, volerait tout ce que tu me demandes. Te garderai, te laisserai, je te prendrai même si je sais. Plus ça n'en vaut pas le coup, non, non, non, non, non, non. Que ça n'en vaut pas le coup. Même pas besoin de justifier. Tu le voyais, on bougeait ensemble. Volerais tout ce que tu me demandes. Te garderais, te laisserais. Je te prendrais même si je sais. Que ça n'en vaut pas le coup. Non, non, non, non. Que ça n'en vaut pas le coup. Tu le savais.